Bon, alors on va enchaîner. C'est vrai que j'avais oublié de dire qu'un quart d'heure, c'était pour qu'on puisse avoir ensuite des questions et un débat. Donc Isabelle Eulen, donc de l'Université de Reims, enchaîne. Oui, j'enchaîne et je vais essayer de faire même moins qu'un quart d'heure, car je suis généreuse vis-à-vis de mon collègue de l'IUFM en tant que professeur d'université, attaché à sa discipline et fâché avec la pédagogie. Non, c'est pas vrai du tout, en fait. Alors, je voudrais faire un certain nombre d'observations, peut-être moins denses et moins longues que celles qui ont été faites par Thierry, pour en fait repositionner la question du point de vue de l'universitaire. J'observe simplement de manière liminaire que peut-être qu'on va s'écharper, mais j'en doute fort, qu'il se trouve que malencontreusement, ici, à ce bureau, il n'y a, à mon avis, que des gens à peu près d'accord entre eux sur ce qui est en train de se faire et sur les mécanismes à l'œuvre, de sorte que il est un peu difficile, on parle entre nous, hein, et on peut que se conforter, même s'il y a des nuances ici et là. Or, le problème, c'est qu'il y a manifestement des gens qui ont le pouvoir, qui ne pensent pas comme nous et qui ont d'autres préoccupations. Donc, le débat risque de tourner un peu court. Mais bon, on peut toujours essayer de s'écharper, on peut trouver des solutions. Alors, le point de vue qui est le mien, évidemment, serait, et pour me positionner par rapport à Thierry April, le point de vue, je dirais, disciplinaire du professeur d'université qui enseigne un domaine pointu, l'histoire du Moyen-Âge, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, à des étudiants de tout niveau et pas seulement à ceux qui se destinent au métier de l'enseignement d'une manière générale. Alors, il se trouve que peut-être il convient de rappeler très brièvement et de manière liminaire quelques évidences. La première étant que ce système de concours que nous avons en France est quand même extrêmement particulier. Et peut-être que c'est aussi une manière de rebondir sur ce que Thierry a dit, à savoir que la tendance qui consiste à aligner ou à harmoniser d'une certaine manière un certain nombre d'exigences dans les systèmes d'enseignement actuels doit être mise en miroir avec cette spécificité française qui d'ailleurs ne concerne pas seulement les recrutements et la formation des enseignants, mais qui vaut aussi par exemple pour les questions de la médecine. On pourrait en parler, peut-être que ça a déjà été fait, hein, sur comment se déroulent les études de médecine. Bon, de ce point de vue-là, il y a une exception française, on la juge positive, on la juge négative. On a une histoire qui est tout à fait particulière et un lien un petit peu douloureux maintenant entre l'école et la nation, hein, qui est, je crois, tout à fait particulier. Donc, il me semble qu'au-delà de la question européenne, qui est effectivement essentielle, et Thierry le rappelait, des textes ont été votés il y a fort longtemps, hein, bien avant que ne se mettent en œuvre les réformes actuelles. Et du reste, ces réformes, il faut quand même le savoir aussi, peut-être le rappeler, d'une certaine manière, elles sont dans les tiroirs, moi je dirais au moins depuis 15 ans, ben peut-être même un peu plus, parce que quand j'ai commencé à enseigner comme maître de conférence, il y avait déjà un furet qui s'appelait réforme des concours, hein, et qui posait la question de l'adéquation entre les formations dispensées dans les universités et l'enseignement dans le premier ou dans le second degré. Donc, ce n'est pas une question nouvelle. Ce qui est nouveau, ce n'est pas non plus le fait de vouloir faire une réforme, hein, c'est plutôt la manière dont elle a été mise en œuvre. Sachant par ailleurs, et pour me faire un peu l'avocat du diable, que les ministères, le ministère de l'Éducation nationale, comme d'ailleurs le ministère de l'Enseignement supérieur, est plein de rapports, des milliers de pages, qui ont été tapés par des gens, par ailleurs, souvent très bien, hein, sur l'état du système, sur ce qui conviendrait de faire, sur ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est une première observation. Une deuxième observation que je ferai à la fois du point de vue de l'enseignant-chercheur que je suis, mais aussi un peu du parent d'élève, à savoir que il y a en France une tendance, et puis il y a des tas d'études, hein, qui confortent ça, à nous expliquer que finalement notre système est coûteux, notamment l'enseignement secondaire, et de fait il est assez coûteux, et que par ailleurs, et là c'est le prof de fac qui parle, hein, ce qui sort au bout du compte est loin d'être satisfaisant. Et moi qui enseigne dans l'université de province, mais bon, c'est vrai aussi à Paris, hein, je dois dire que, de fait, ces discours qui stigmatisent le travail fait dans le secondaire par rapport aux enfants et la manière dont ils sortent une fois qu'ils sont titulaires du baccalauréat, quand nous on les récupère, de fait, c'est parfois vertigineux. Il y a une troisième observation que je ferai aussi. Plus en tant que mère d'élève cette fois, c'est le sentiment qu'ont souvent les parents d'élèves et d'une certaine manière aussi parfois les collègues, d'une distorsion entre un système qui finalement serait fait pour les initiés, hein, et particulièrement pour les enfants de professeurs, ce qui ne, toutes catégories confondues, ce qui ne contribue pas peu à détériorer leur réputation, et ce qui pourrait convenir au reste des enfants dont les parents ne seraient pas professeurs, ce qui pose aussi le lien entre ce qu'on apprend, ce qu'il faut pour faire un citoyen, si tant est que ce soit la mission de l'école, moi je crois que oui, mais d'autres ne pensent pas comme ça, et le lien entre le savoir, l'école, l'université, le savoir, le monde, comme si l'école ou l'université étaient des sortes d'excroissances, des bulles en dehors du monde, sauf que évidemment cette vision est un peu absurde. Alors, ça, c'était, disons, une première série de remarques. Deuxième série de remarques, au-delà de nos spécificités françaises, il y a une situation que Thierry a rappelée, je dirais, en aval, et moi, je vais la rappeler en amont. En amont, quelle est la situation jusqu'à une époque récente ? C'est qu'il y a un niveau d'études à atteindre, sanctionné par un diplôme, d'une part, et il y a, d'autre part, des concours que l'on prépare sur un an, sur deux ans, éventuellement sur trois ans pour certains, et que cette situation, depuis très longtemps, et moi je l'ai vécue hein, tout simplement avec mes étudiants, est une situation là encore paradoxale, parce que en théorie, pour passer un CAPES, vous devez être titulaire d'une licence. Une fois que vous avez votre licence, vous pouvez préparer le CAPES, et vous passez un an, voire deux, voire trois, et puis la sanction, si je puis dire, c'est l'obtention, enfin dans le meilleur des cas, c'est l'obtention du concours. Si vous n'obtenez pas le concours, cette année que vous avez passée à préparer, ou ces deux années, ou ces trois années, elles sont, en termes de curriculum vitae, perdues. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune valorisation de ce travail que vous avez fait. Pour l'agrégation, c'est du même tonneau. C'est-à-dire qu'en théorie, il fallait avoir jadis une maîtrise, maintenant un M1 révolu, obtenu, pour pouvoir s'inscrire pour passer le concours, et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le temps que l'on passe à préparer n'est pas tenu en compte d'une quelconque manière. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, mais en même temps auquel, personnellement, je ne vois pas de solution. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une formation avec des diplômes, et de l'autre, il y a des concours de recrutement. Mais de fait, il se trouve que dans la pratique, hein, les étudiants, qui passent ces concours, recrutés à Bac plus 3 pour le CAPES et à Bac plus 4 pour l'agrégation, se trouvent dans les faits, et depuis fort longtemps déjà, avoir Bac plus 4, Bac plus 5, Bac plus 6, Bac plus 7, voire plus. Donc ça, c'est une deuxième observation. La solution qu'on nous propose, dite de masterisation, est une solution qui serait censée pouvoir concilier les deux. Or, il me semble que c'est inconciliable. Et je vais essayer de vous le démontrer. Ce qui est inconciliable, en effet, ce sera ma troisième observation, c'est que finalement, ce qu'on nous proposait l'année dernière était d'une certaine manière peut-être un peu moins pire que ce qu'on nous propose cette année, dans la mesure où l'année dernière, et je me fais un peu l'avocat du diable, hein, l'année dernière, on nous proposait de monter des masters éducation et formation stricto sensu, c'est-à-dire des parcours universitaires, qui, à partir de la licence et pour deux années, articulerait une formation dans un but très précis qui aurait été éventuellement d'obtenir un concours ou pas. Et donc l'idée, c'était l'université valide, forme et valide une formation. Vous avez au bout du compte un master éducation et formation qui vous permet d'être recruté comme enseignant. Et puis, il y en a un certain nombre là-dedans qui passent les concours et qui les obtiennent, et c'est tant mieux pour eux parce que ça vaut titularisation. Ça voulait dire donc qu'une partie des enseignants auraient été recrutés, comme ça se fait du reste déjà beaucoup, sans avoir de concours. Mais il y a déjà toutes sortes de collègues qui n'ont pas les concours. Pour ne rien dire, dans les rectorats, de ceux que l'on recrute, c'est mes étudiants, au niveau de la licence, mais en cours de licence, pour aller faire des cours à droite et à gauche. Ce qui est quand même un peu paradoxal. Donc, le but, l'année dernière, c'était ça. Alors, il y a eu ce mouvement qui, en fait, est à l'origine du fait que nous nous trouvions ici aujourd'hui. Et alors, on nous a resservi autre chose en nous disant « on vous a entendu d'une certaine manière ». Et donc, ce que l'on nous a resservi, c'est il n'y a plus de master éducation et formation à proprement parler. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé fabriquer des masters spécifiques éducation et formation, qui seraient distincts formellement de masters dits disciplinaire, c'est-à-dire de master qui serait adossé à une spécificité ou à une spécialité, pardon, de la recherche, hein, de l'histoire, par exemple, pour ce qui me concerne. Et alors, dans cette nouvelle configuration, je pense qu'on atteint le fond, en toute sincérité. Parce que moi, je me suis mis à un certain moment dans la position, enfin, je me suis mise, on m'y a mise, hein, dans la position, je suis élue au Conseil des études et de la vie universitaire de mon université, donc ça me concerne au premier chef, je me suis mise dans la position de devoir fabriquer les fameuses maquettes, c'est-à-dire de bâtir un parcours qui articule diverses exigences rappelées dans les textes que citait Isabelle, et notamment la fameuse circulaire écrite dans un français approximatif. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions? Il faut que nous préparions des concours dont le contenu, pour ce qui concerne ma discipline, mais pas seulement, a quand même un petit peu changé, c'est-à-dire que globalement, on va vers une réduction des épreuves. Pour l'histoire géo, c'est assez dommageable, mais enfin, je vous cite deux autres exemples qui sont quand même intéressants, me semble-t-il. Par exemple, pour le CAPES de lettres, je parlerai surtout du CAPES, parce que bon, l'agrégation avec 80 places, et puis à mon avis, dans les années qui viennent, une diminution lente mais sûre, ça devient, enfin, c'est un sujet qu'on peut aborder en effet, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ça aboutit par exemple au fait qu'en lettres classiques, dans les CAPES de lettres classiques, on fera ou du latin ou du grec à l'écrit, comme version, mais on ne contrôlera plus la capacité des collègues futurs à maîtriser les deux langues anciennes. Bon. Pareil pour les lettres modernes, on élimine l'épreuve de latin. On considère que probablement le latin n'est pas nécessaire pour un prof de français. Bon. Donc ça veut dire préparer les étudiants en concours, leur faire faire en même temps, dans le cadre du master, une langue étrangère, de l'informatique, toute une série de choses qui existaient déjà dans les parcours master disciplinaires aujourd'hui, plus une initiation à la recherche avec à la clé un mémoire, plus des stages, plus une ouverture internationale. Quand bien même on adhérerait aux pétitions de principe qui sous-tendent cette réforme, c'est proprement impossible à fabriquer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, on dira encore que les universitaires sont élitistes ou Dieu sait quoi, bon, ce qui est peut-être vrai parfois. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que dans les universités, on aura le moyen de résister. Hein. On dira aux étudiants, bah, vous savez quoi, vous faites d'abord un master disciplinaire, un master recherche, M1, M2, vous nous rendez un bon mémoire, et puis vous raccrochez une préparation, et on retombera finalement dans les travers du système qu'on prétendait éviter avec la réforme. Et puis ailleurs, ce qui se passera, probablement, c'est qu'on aura un peu de difficulté à tenir ce discours-là parce que les autorités universitaires, c'est le cas dans mon université, mais c'est le cas dans énormément d'universités, diront « mais faites cette formation un peu spécifique, trouvez les moyens parce qu'il y a la concurrence à côté, on va nous proposer ailleurs, alors par rapport à Reims, à Amiens, à Lille, que sais-je, des formations. » Et donc voilà. Et donc nous n'aurons pas les moyens de tout faire, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens humains, on n'a pas les volumes horaires, on n'a pas les crédits. Donc, ce sera positivement impossible. Donc, du coup, à vouloir essayer de tenter, en apparence du moins, de satisfaire tout le monde, à mon avis, on mécontente évidemment aussi tout le monde, et on va faire des masters recherche qui ne seront plus des masters recherche. Alors, j'en viens à ma dernière observation et je m'arrêterai là. Quelle est la justification de ce lien entre enseignement et recherche? Souvent, on fait le procès aux universitaires, parfois pas totalement infondé, de vouloir perpétuer leur espèce, et que la logique de perpétuation de l'espèce se fait au détriment de l'intérêt général. Et donc, moi, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, hein, à savoir que je défendais ça pour qu'on puisse continuer à faire de l'histoire du Moyen-Âge dans mon université, ce qui, après tout, n'était pas une obligation. De fait, ce n'est pas une obligation, je n'en disconviens nullement. Mais il me semble malgré tout que, dans le cadre d'une formation d'un enseignant, l'idée que l'on se frotte de manière extrêmement concrète et précise, une fois dans sa scolarité supérieure, aux archives, même si c'est des petites archives, même si c'est pas très compliqué, c'est rarement un peu compliqué à dire vrai, mais enfin, bon, qu'on se frotte aux archives, c'est-à-dire à la matière brute, qu'on se frotte à cette question absolument fondamentale, particulièrement aujourd'hui, me semble-t-il, de la construction d'un objet de recherche. C'est-à-dire que l'on apprenne à un moment de sa scolarité que l'histoire, c'est pas seulement des choses écrites dans des manuels qui postulent ou qui présentent plutôt un résultat, mais que c'est un lent et long travail qui consiste à avoir des questions, à trouver des archives et à essayer de manier ce qui a été écrit, c'est-à-dire de la bibliographie, pour aboutir à un résultat qui peut être un résultat extrêmement modeste, je n'en disconviens pas non plus. Mais cette idée que l'histoire, c'est pas seulement ce qui est écrit dans un manuel, estampillé par un éditeur et validé parce que correspondant au programme, me paraît tout à fait essentielle. Et ça me paraît d'autant plus essentiel qu'on a justement face à nous des étudiants et même des enfants qui ont une tendance à penser de manière assez générale, et parfois même des collègues aussi, qu'il suffit de cliquer hein, pour trouver une réponse à une question. Autrement dit, c'est une question, à mon sens, de formation intellectuelle, au meilleur sens du terme, d'acquisition d'autonomie. Et cette autonomie, elle est aussi fondamentale quand on prépare des concours, en tout cas dans leur mouture actuelle, mais peut-être que pour le futur, ça sera un petit peu différent, parce que quand on voit, on en parlait avec Thierry April tout à l'heure, une bibliographie de concours pour un étudiant qui sort de licence, c'est quelque chose de très terrifiant. Hein. Donc, apprentissage de l'autonomie et construction d'un objet, c'est-à-dire aussi la manière de poser des questions, ce qui est extrêmement utile, me semble-t-il, pour enseigner dans le secondaire, voire dans le primaire. Et donc, pour toutes ces raisons, ces réformes en cours me semblent éminemment toxiques, et elles sont toxiques, et elles seraient drôles si elles n'étaient pas tragiques, si on les confronte au petit livre que j'ai ressorti pour l'occasion de ma bibliothèque, qui est le fameux socle commun des connaissances, dont le ministère nous avait abreuvé il y a 3 ans ou 4 ans maintenant, c'était en juillet 2006, où, en l'ouvrant, on trouvait égrené, selon l'ère du catalogue, les connaissances minimales que doivent acquérir nos enfants une fois qu'ils sont sortis du lycée. Et de fait, bon, on sait très bien qu'ils ne les ont pas, c'est une chose, mais je pense que la manière dont on va procéder va aboutir encore et toujours à une forme de saupoudrage et de bachotage au détriment d'un temps, si court soit-il, d'apprentissage de l'autonomie et de formation intellectuelle au meilleur sens du terme. Voilà. Merci. Laurence de